Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Voici tout de suite les titres de cette édition. Fermeture d'une dizaine de cabarets dans la zone Bouhiga en province Karoussi depuis ce mercredi. La cause est la vente de produits de la Braroudi à un prix exorbitant. Un système digitalisé pour la perception des taxes communales a été lancé ce vendredi en province Kayanza. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il permettra de lutter contre la fraude dans la collecte des taxes. Et en province Bubanza, l'enterrement d'une personne décédée, ça fait bientôt 2 semaines en commune Manda, a été perturbé ce mardi. La famille s'est chamaillée avec un groupe de personnes qui réclamaient le terrain où avait été creusée sa tombe. Voilà pour l'essentiel à la présentation d'Henri Bingabilé. Alphonse Koubguimana sur la mise en onde. La radio de l'avenir. Lancement ce vendredi à Kayanza du système digitalisé de gestion de la fiscalité communale dans 12 communes pilotes. Il sera fonctionnel dès le 31 de ce mois. Annonce du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Nitelete, a indiqué qu'il servira à lutter contre la fraude dans la collecte des taxes communales. Il a ainsi mis en garde ceux qui feront obstacle à ce système. Aaron Douaezo. Cette collecte dénommée e-tax est lancée au marché du chef-lieu de la province Kayanza. Dans la partie des petits vendeurs de légumes, le percepteur de taxes communales, avec une machine dans ses mains, explique aux vendeurs la nouvelle forme de collecte des taxes communales et puis demande aux vendeurs son identification, son numéro de téléphone, en fait, lui donne un récit de 500 francs bout. Les petits commerçants apprécient cette digitalisation de la fiscalité communale car pour eux, elle vient pour les mettre sur les mêmes pieds d'égalité fiscale. Auparavant, on donnait des 100 comme taxe, mais pour le moment, nous payons 500. J'apprécie cette forme de collecte qui nous taxe sur le même prix de 500. Quand on donnait des tickets de 200, il y avait ceux qui ne payaient pas ces taxes, mais maintenant j'apprécie qu'on ne va plus échapper. On se chamaillait lorsqu'on donnait des taxes, mais pour le moment, ça se fait dans un climat d'entente. Claude Ndoumoukama est un homme percepteur des taxes en commune Kayanza. Il indique que de leur côté, cette nouvelle forme de digitalisation des taxes communales vient pour diminuer les incidents qui se produisaient dans leur métier, comme la perte ou l'endommagement des carnets. Ils demandent le matériel qui pourrait les aider à protéger ces machines dans la période pluvieuse. Mathieu Chiowela, le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, demande aux administrateurs de s'approprier ce système de digitalisation fiscale et jure ses avantages. La digitalisation de la fiscalité communale est un des outils de la finance domestique. Elle permet de renforcer la mobilisation des revenus publics, de lutter contre des phénomènes tels que la fraude et l'évasion fiscale. Elle permet également de maximiser les recettes domestiques en vue de financer la transformation des communes et au-delà l'atteinte des objectifs de développement durable. Le programme des Nations Unies pour le développement considère la digitalisation et l'innovation comme des catalyseurs de l'accélération du développement. Cette gestion de la fiscalité communale résulte des mois témoins de mars, avril et mai de 2020 et 2021 qui ont traduit au gouvernement une perte de plus de 5 milliards de francs bout. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, met en garde ceux qui pourront être des obstacles à cette digitalisation. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent des pertes énormes. Nous ne voulons pas encore collecter des taxes dans la main. C'est là qu'on a remarqué de la fraude. Et nous avons constaté que certains percepteurs volent ces taxes et donnent des rapports biaisés. Ils amènent aux comptabilités un borderon de 5 000 francs burundais alors qu'il a remis dans la caisse 1 000 francs. Je sais qu'il y a des gens qui n'abandonnent pas. Nous ne voulons pas. C'est lui qui va bloquer le système, qui l'assume à ce qui va lui arriver. Nous voulons que le peuple jouisse les avantages de ses efforts. C'est fini la manipulation de la monnaie. 12 communes dont Bukina Nyana, Kayanza, Gitega, Bubanza, Changuzo, Rutana, Makamba, Nyanzarake, Kirundo, Ruyigi, Ngozi et Muyinga sont des communes pilotes dans la digitalisation de la fiscalité communale e-tax. Il y a une personne décédée depuis bientôt 2 semaines en commune Manda de la province Bubanza qui n'a pas pu être inhumée ce mardi comme le voulait sa famille. Une bagarre a éclaté autour d'une fosse qui allait être sa tombe dans un terrain soi-disant en conflit sur la colline Gifugwe selon des sources proches de cette famille. Une équipe de personnes affirmait que ce terrain leur appartenait. Au niveau de l'administration, on reconnaît qu'il y a eu des malentendus autour de cette inhumation. L'administrateur de la commune Manda a indiqué que l'enterrement aura lieu au cimetière de Manda. Spes Caritas Kabanyana. Edouard Bamborobusa, connu sous le sobriquet de Rougué, est décédé au début de la semaine passée en commune Manda. Et ça fait 2 semaines que son corps repose dans la morgue selon les membres de sa famille. Au moment où sa famille voulait procéder à l'inhumation ce mardi dans un terrain situé sur la colline Gifugwe en commune Manda, des échauffourées ont éclaté. Une équipe de gens qui dit que le terrain lui appartient a arrêté ce travail d'enterrement. Une bagarre a été arrêtée par l'intervention des administratifs et locaux selon les témoins sur place. Et jusqu'aujourd'hui, le fossé qui allait servir de tombe reste ouvert dans cette propriété qui serait en conflit selon les administratifs et locaux à Gifugwe. Et ce terrain est réclamé en même temps par la famille de Bamorubusa Edouard et l'autre équipe qui a interrompu l'enterrement. Au niveau de l'administration, on indique que ce problème est connu et qu'il va trouver solution. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, explique que le corps de Bamorubusa Edouard sera inhumé au cimetière de Manda situé sur la colline Bulinga en commune Gihanga, comme c'est déjà convenu avec la famille du défunt. Spes Caritas Kabanyana en commune Manda pour la radio Isanganiro. Merci Spes. Résoudre les problèmes de santé et plaider à ce que les enfants albinos soient mieux intégrés dans les écoles à système d'internat sont quelques projets que compte réaliser le nouveau représentant de l'association Albinos Sans Frontières. Il a déclaré ce samedi lors d'une assemblée générale. Anissé Banguilimana a demandé au gouvernement d'intégrer aussi les personnes albinos aux postes électifs pour qu'ils puissent démontrer leurs compétences en l'écoute. Nous voyons que les albinos doivent être intégrés dans les programmes quotidiens par rapport à les activités du point de vue sanitaire. Aussi, au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et de bien vouloir intégrer les albinos dans les écoles à régime d'internat s'ils viennent de terminer la classe de 9e pour quand même réduire la souffrance au moment où ils sont rendus à l'école ou ils quittent l'école vers la maison, comme son ministère même l'a initié pour la communauté d'évacuation au Burundi. Nous voyons que les élections, quand même, c'est une opportunité d'être intégré dans le gouvernement de la République du Burundi avec les élections. Mais nous voyons qu'il y a un problème là-dedans parce que nous constituons une communauté des personnes moins nombreuses, ça c'est un, ça c'est un handicap. Et aussi si nous nous alignons dans un parti politique, il est difficile d'accéder dans les premières places. Aussi comme handicap, la catégorie des personnes albinos ne constitue pas l'ethnie comme telle. Nous sommes des Batois, nous sommes des Hutus, nous sommes des Tutsis. Mais ce qui est, peut être possible pour les albinos ayant des compétences professionnelles requises, il y a moyen de procéder aux nominations ou de nous donner des postes électifs parce qu'il y a des albinos qui disposent de compétences pour commencer à montrer qu'ils veulent intégrer au gouvernement de la République du Burundi et dans les différents secteurs par rapport aux compétences de chacun d'entre nous. Si vous êtes placé dans un ministère, vous êtes affecté dans un poste quelque part, si on évalue vos compétences par rapport au dossier que vous avez présenté, il faut commencer à être convaincu que les albinos sont capables, il suffit de les accompagner dans tout et partout et tous les jours. Anissé Evangelinama, il est le nouveau représentant de l'association Albinos Sans Frontières. Après une courte pause, on continue avec cette édition. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. L'actualité continue. Les habitants de Lumonge sont appelés à observer les mesures barrières contre la variole du singe comme ils l'ont fait lors du coronavirus. Fabrice Nkurunziza, deuxième vice-président du Sénat burundais, l'a dit ce samedi lors des travaux communautaires de curage du caniveau dit Mugerangabo, aboutissant au lac Tanganyika en passant dans la ville de Lumonge. Jean-Pierre Misago. Comme le rappelle toujours le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Fabrice Nkurunziza, deuxième vice-président du Sénat burundais, demande aux habitants de Lumonge de revenir aux pratiques hygiéniques comme le temps du coronavirus pour stopper la propagation de la variole du singe. Même si cette variole diffère du coronavirus, elle menace la santé de la personne infectée et les pratiques hygiéniques comme le lavage régulier des mains avec de l'eau propre et du savon, la distanciation sont semblables à celles prônées lors de la lutte contre la propagation du coronavirus et ces pratiques hygiéniques doivent être observées jusqu'au ménage, conseille Fabrice Nkurunziza. Sur le terrain à Lumonge, un véhicule de la Croix-Rouge du Burundi, branche provinciale de Lumonge, sillonne collines et quartiers de Lumonge, vulgarisant avec l'aide d'un haut-parleur les messages du ministère de la Santé publique allant dans le sens de lutte contre la variole du singe et en distribuant dans des lieux publics des seaux pour le lavage des mains. Même s'il n'a pas été précis sur le nombre de cas soupçonnés ou testés positifs à la variole du singe en province de Lumonge, le médecin provincial de Lumonge a reconnu ce mardi l'existence de la variole du singe à Lumonge. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et en province Karusi, Dikabari de la zone Buhiga en commune Buhiga ont été fermés depuis ce mercredi. Ils sont accusés de vente des produits de la Brahoudi à des prix exorbitants, comme l'indique l'autorité administrative. Les propriétaires de ces bistrots expliquent que ces boissons leur parviennent à un prix déjà élevé, même s'ils s'approvisionnent aux grands dépôts. Blaise Pascal Kalaloumiye. Les 10 bistrots du centre de négoce de Ouhiga en province Karusi sont fermés depuis ce mercredi pour vente des boissons de la Brahoudi à des prix exorbitants. Le chef de zone indiquait qu'une bouteille de Primus était vendue à 3500 francs alors que le prix est de 2500 francs, une bouteille d'Amouster à 4500 alors que les sachets étaient 3500 francs et le petit Amouster qui est à 2800 francs vendu à 3500 francs. Il signale que la décision de suspendre ces bistrots qui faisaient rayonner ce centre de négoce de Buhiga est du ressort de l'autorité communale et provinciale. Les propriétaires de ces bistrots confirment qu'ils s'approvisionnent au dépôt provincial Mega SSD de Karusi et déplorent qu'ils achètent ces boissons au prix de simples dépôts qui sont dans leur localité d'opération. Le délégué de la Brahoudi dans la province Karusi qui distribue ces boissons et le gestionnaire du Mega SSD disait que les prix des produits Brahoudi n'ont pas encore changé. Cependant, ils expliquent que ces jours-ci, avec la pénurie du carburant, la Brahoudi exige au dépôt Mega SSD une contribution de carburant de type mazout pour leur approvisionnement et que de là, le dépôt Mega SSD reçoit l'autorisation de vente de ces boissons pour lesquelles il a contribué dans le transport et les vendre au prix de simples dépôts qui sont dans les différentes localités. Signalons que cela arrive après une période d'un seul mois qu'il y a eu tenue d'une réunion à l'intention de tous les intervenants dans la vente des produits Brahoudi en date du 12 juillet passé, une réunion pendant laquelle tous se sont convenus du respect des prix des boissons. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kalaloumiye pour la radio Sanganiro. Avant la chronique nutrition, parlons du sport des personnes vivant avec handicap. Deux athlètes, Rémi Nicobimédé et Adeline Mouchilanzigo, tous amputés du bras, s'envolent ce dimanche vers Paris en France. Ils vont représenter le Burundi aux Jeux paralympiques, espérant de bons résultats dans ces Jeux. Eugène Sabayez, président du comité paralympique du Burundi, les conseille de veiller toujours à afficher une discipline. Kirombo Leonidas. Représenter convenablement le pays tout en décrochant les médailles, c'est ça le message principal de Jean Sabayezu, président du comité paralympique du Burundi, à ses athlètes. Bien représenter le pays, surtout en matière d'autres disciplines, c'est ça qui est très important pour les athlètes. Il y a une code de conduite qui va les régir au sein du village paralympique à Paris. Et je pense que d'après la culture burundaise, on espère qu'ils vont afficher un bon comportement, une bonne discipline au village paralympique. Ça, c'est très important pour l'honneur du pays. Le message aussi qui est très important, c'est surtout de faire de leur mieux pour décrocher des médailles. Un message bien reçu par Rémi Nikobimeze et Adeline Moshiranzigo, tous amputés du bras droit, et coureurs respectivement sur 1500 mètres et sur 200 et 400 mètres. Ils affirment être prêts à représenter le pays. Nous n'avons pas été satisfaits du manque de médailles à Tokyo. Nous espérons les décrocher à Paris. Nous avons fait de bonnes séances d'entraînement. Il ne reste que la démonstration pour avoir de bons résultats. Un espoir partagé avec Omer Haïmana, leur entraîneur. En tout cas, jusqu'à présent, on est dans une bonne voie. Techniquement parlant, nous venons de passer 4 semaines, tout un mois à Gitega, dans le but de se préparer physiquement, psychologiquement, moralement. Et sinon, nous venons de passer 4 ans dans la même logique de préparer nos athlètes. Donc jusqu'à présent, on est prêt à représenter le pays. Et nous avons espoir que nous avons apporté grand chose. Les Jeux paralympiques de Paris débutent le 28 août pour se terminer le 9 septembre. 185 pays participent à ces Jeux. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Et pour cette chronique nutrition qui est une rediffusion, la goyave est riche en vitamine C, en potassium, en vitamine de type B, mais elle est également une excellente source de fibres alimentaires. Les personnes souffrant d'une maladie immunitaire doivent boire du jus de goyave quotidiennement. C'est aussi un remède traditionnel pour traiter la pression artérielle élevée. Jean-Paul Wineda, chercheur nutritionniste, explique qu'une personne souhaitant arrêter de fumer peut consommer ce fruit. Chronique nutrition sur la goyave avec Jean-Marie Mayonga. La goyave est l'une des meilleures sources de vitamine C. Selon Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, il explique que la goyave, grâce à sa teneur en vitamine C, aide dans le renforcement du système immunitaire. Il commence à nous décrire ce que c'est la goyave. La goyave, c'est un fruit de goyavien, arbre de la famille des myrtacins qui peut atteindre 6 mètres de hauteur. Comme sa propriété est aussi indication, la pulpe de goyave est pauvre en protéines et en graisse et aussi en hydrates de carbone. Mais il faut surtout citer sa teneur, surtout en vitamine C, avec ses 183 mg par 100 g. La goyave est l'un des fruits les plus riches en cette vitamine. La goyave, selon ce chercheur, possède des caroténoïdes, qui est une substance qui aide dans le bon fonctionnement de cellules. La goyave contient également de petites quantités d'acides organiques comme le citrique et l'omalique, qui favorisent l'absorption de la vitamine C et lui donnent son goût acide typique. La goyave contient aussi des caroténoïdes. Ce sont des substances qui, dans l'organisme, se transforment en vitamine A et qui exercent une action antioxydante puissante sur nos cellules. Les variétés ayant une pulpe rougeâtre sont plus riches en carotène et contiennent du lycopène. La goyave contient aussi des fibres végétales en grande quantité sous forme de ce qu'on appelle la pectine et aussi des mucilages. Selon Jean-Paul Wineza, la goyave, grâce à sa vertu antioxydante, permet de prévenir le cancer et la présence de la vitamine A aide à améliorer la vision. La goyave contient des vitamines E ainsi que des calcium, magnésium, fer et aussi le minéral le plus abondant qui se trouve dans la goyave est le potassium. La goyave est relativement riche en oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et aussi le manganèse. La goyave est cultivée depuis plus de 2000 ans en Amérique du Sud. Même au Burundi, cette plante est cultivée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide. Alphonse Koubguiman a assuré la mise en onde. Excellente suite de nos programmes.